vous êtes à CIF. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard extériorisera ses émotions dans sa chronique hebdomadaire et on sortira dehors avec Evelyne Dulac du clip de la RQTR. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki, on t'en dirait des studios de CIF à Trois-Rivières en ce lundi 7 mars 2016, 50 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Vaudin. Ah, c'est lundi. Ah oh, oui. La bouche n'est pas habituée à parler. Ah non, c'est vrai. Hein. Mais on a passé toute la fin de semaine à dormir, donc automatiquement, on n'a pas beaucoup fait d'exercices de diction. Et là, d'habitude, on exclut la personne qui parle, mais je crois que tu t'es inclus là-dedans. Ouais, là, présentement, je m'inclus à 100%. On a fait la même chose, indépendamment, sans le savoir. Et voilà. On connecte. C'est fou. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir à 8h30 Samuel Girard et sa chronique hebdomadaire sur ses émotions personnelles. C'est vrai, sort dessus, mais à la radio. Hein? Donc ça, c'est à 8h30 avec Samuel Girard. Ensuite, à 9h, on devrait avoir, si tout va bien, la présence d'Evelyne Dulac du Club plein air UQTAR ou QTAIR. On va parler de choses qui se passent à l'extérieur de nos beaux murs du studio. Autre que la neige. Oui, ben c'est ça. Parce qu'on neige beaucoup, hein, ce matin. On a trois murs normaux. On a une grosse, énorme baie vitrée où on voit pas mal dehors. Ouais. Et il neige pas mal. Mais c'est de la petite neige, une fois. Oui, quand même. Assez pour que ça soit votre vue soit brouillée sur les routes. Donc, faites attention quand même. Là, mais... Voilà. Et vos cheveux vont être mouillés un peu en arrière. Ah oui, aussi. Ta chronique à toi s'en vient. Tania Scalera-Tutini, à quoi de neuf? Plusieurs sujets diversifiés aujourd'hui. Je pense que je vais vous faire un retour sur les choses que j'ai découvertes durant la fin de semaine. Pas nécessairement de la musique, parce qu'en temps normal, ça va être les artistes que j'ai découverts durant la fin de semaine. Mais là, ça va vraiment être des choses différentes. Ça diverse ce matin. Eh ben. On va aussi faire du site un fait parce qu'on est lundi et c'est comme ça que ça se passe. Commençons en musique par contre avec un classique, un nouveau classique en fait de Ariane Zita. Oui. Emile Nelligan n'est pas revenu à la vie pour écrire des chansons. Non, malheureusement pas encore. Ariane Zita, voici Emile Nelligan. Assemblage Reiki. Sur C'est fou. Ça serait quand même pas pire que la limite. laisse prendre un morceau de toi. Je vais te laisser prendre un morceau de moi. Et rejoins-moi tard ce soir, quand la nuit sera noire à la statue des Minnigans. Et rejoins-moi tard ce soir, quand la nuit sera noire à la statue des Minnigans. Et rejoins-moi tard ce soir, quand la nuit sera noire à la statue des Minnigans. Ariane Zita et Émile Néligan, 89 FM. Tantôt, j'ai dit que c'était Émile Néligan qui chantait, tu sais. Oui, ben non, malheureusement, hein, ça, c'est... C'est pas ça! C'est pas possible! C'est pas possible, mais c'est pas parce que j'ai un manque de culture, mais non. Si j'en avais un, j'aurais ouais. besoin de la chronique, c'est un fait. Ah! Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas ce mais... qu'on fait, là. T'as raison. C'est pas cet effet qu'on fait là. On recommence. Émile Néligan est parmi mes artistes préférés. Mais oui! De poésie, bien sûr! je vais établir une liste sur ce sujet. Ça, c'est pas vrai, ça fout super mal, ça. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et comme on le fait à chaque début de mois, on va faire la petite liste des fêtes bizarres qu'on peut célébrer dans le mois de mars. Les fêtes dont vous n'avez pas entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Pour ceux que ça intéresse, la mienne est le 25 mars. La mienne, le donc, 17. Voilà. On est dans le si même, vous voulez nous offrir des cadeaux. Dans le même coin. On connecte. On connecte. Donc, les fêtes bizarres dont vous n'allez pas entendre parler ailleurs. Commençons par le 3 mars. C'est, si la journée, c'est la journée de si les chats et les chiens avaient des pouces opposables. Des pouces opposables? Tu sais, les humains ont un pouce qu'on peut utiliser pour prendre quelque chose, un objet. Donc, le pouce est à l'opposé des autres doigts. Okay, alors oui. que les chats et les chiens ont des pouces. Ben, des fois, ils n'ont pas de pouces. Et ceux qui ont des pouces, c'est des pouces qui font partie comme les autres doigts. Là, c'est vrai. Genre. Donc, c'est ça. Ils seraient maîtres du monde, sûrement, s'ils avaient des pouces opposables. Ensuite, le 4 mars, c'est la journée nationale de la grammaire. Ah ouais? Hein? Donc, ceux qui aiment bien écrire, bien parler avec leur... Ben, en fait, bien écrire surtout avec leur grammaire. C'est suivi le 8 mars de la fête nationale de ceux qui corrigent les autres. Proofreading Day. Ensuite, le 6 mars, c'est la journée de ceux qui portent le même nom. OK. Pourquoi pas? Ben oui. Mais donc, c'est juste qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui porte le même nom que toi. Une autre Tania Baudin et écrit avec un Y. Et assez difficile. J'en ai trouvé seulement une sur Facebook. Et en fait, je crois que c'est pas vraiment son nom. Elle épelle son nom autrement pour pas se faire trouver, un peu comme toi t'as déjà fait aussi. Ouais. Mm-hmm. Ensuite, le 7 mars, c'est la journée de faits amusants sur les noms. OK. Fun facts about names day. OK, des faits intéressants sur le mot René. Ouais. René. Sarah. Hein? Nancy. Le 8 mars, la journée des noms uniques. Je sais pas pourquoi tous les noms, là, ça a comme pas vraiment de sens d'avoir mis toutes ces fêtes-là dans le même mois, mais bon. Donc, des noms de vedettes, des noms de bébés de vedettes avec des appellations bizarres à des noms complètement inventés. Comme Northwest. Comme Northwest, exactement. Comme le symbole que Prince utilisait comme prénom. Uh-huh. Ou comme nom en général. Ensuite, le 9 mars, c'est la journée de découvrir ce que votre nom veut dire. Ah, ça c'est cool par exemple. C'est très cool, mais là ça va faire les fêtes de noms. Là. Oui, hein? Je suis d'accord. Le 10 mars, c'est la journée nationale de l'instrument irlandais là, avec le sac la rempli cornemuse. D'air. La cornemuse, exactement. Il y a plus de 130 différents types de cornemuses dans le monde et c'est la journée internationale pour célébrer chacune de ces cornemuses. Oh! Le 10 mars, ça c'est ma préf. C'est ah, la oui, journée ben oui. de Mario. Une journée pour célébrer les gens qui s'appellent Mario dans le mois de mars. Mars, Mario, on se comprend. Hein? Ensuite, le 10 mai. 10 mars, voyons. On va pas avancer si vite que ça. Quand même. La journée des étiquettes de noms. Alors, on est revenu au nom, finalement. Ouais, on revient au nom, là. Mais les rassemblements sociaux seraient peut-être malaisants sans étiquette de nom. Mm-hmm. Ah là, là, ça va faire. Le 11 mars, c'est la journée de la fierté du nom du milieu, le middle name, le deuxième nom que certaines personnes ont, surtout aux États-Unis. Donc, on célèbre ceux qui ont été peut-être nommés en l'honneur de leurs grands-parents avec un deuxième nom, Georgette. Georgette? Hein? Georgette. Mais on a tous... Non, c'est pas vrai, on n'a pas tous un deuxième nom. Non, c'est ça, malheureusement, non. Mais en temps normal, sur ton baptistère, oui. T'as, t'sais, vous, les hommes, vous avez Joseph, ouais, quelque ça. Chose comme ça, ouais, exact. Serge. Puis nous, on a Marie. Apparaît. Oui, exactement. C'est ça. Mais ça compte pas comme un deuxième nom, c'est comme un pré-prénom. Hein. Ouais. Ouais. Bref, ça peut être le deuxième nom, donc le middle name. C'est les gens de votre famille qui vous ont donné votre nom. Peut-être le deuxième choix de vos parents. T'sais, des fois, les parents vont faire un compromis. Ils vont t'appeler, bon, Tania Georgette, parce que, bon, Georgette, t'as arrêté leur deuxième prénom ouais. préféré. Hein? Ou sinon, le nom de jeune fille de votre mère. Le 12 mars, ensuite, c'est la journée internationale. Wow, minute. Internationale du sac banane. Arc. Donc, les grands-parents, les hipsters, peut-être, oui, des fois, peuvent ben ramener oui. ça. Une fête qui est célébrée par plusieurs générations. Le 14 mars, c'est Mother Day. Moth comme l'insecte, le papillon de nuit. OK. Hein? Donc, c'est un jeu de mots. Mother Day. Incroyable. Le 16 mars, Tania, c'est pas pour toi, ça, c'est la journée sans selfie. Hey, tu sauras que je ne prends pas toujours des selfies, ben, là? T'en prends moins qu'avant. On va se le dire, au début de l'année scolaire, t'en prenais un par jour. Oui, mais c'est parce que je postais à chaque matin un selfie en direct du studio avec de quoi on allait parler dans l'émission. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, je le fais pas. C'est ça que j'ai dit. Donc, le 16 mars, vous ne devriez pas prendre de selfie. C'est une fête observée lors de l'anniversaire de Philip Kahn, l'inventeur de la caméra de téléphone cellulaire et la première personne à avoir pris une photo avec ça. Une photo de sa fille en 1997. Le 18 mars, c'est la journée pardonnée à maman et papa. Eh hey boy! Ah! Faut être fin des fois avec eux, hein? Oui. Pas là toute votre vie. Mais t'as-tu vraiment besoin d'une journée où t'as besoin de... Est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans la chronique? Ouais, non, pas vraiment. Et t'as raison. Le 23 mars, c'est la journée nationale des chiots. Oh! Ah, et c'est aussi la journée nationale du tamale. Le plat, là. Ah, OK. Évidemment, le plat qui provient, comme tout le monde sait, c'est un plat espagnol. Ah, ben oui, ben oui. Oui, ben oui. Hein? Donc, c'est aussi la journée des chiots. C'est la meilleure journée de l'année, pour certains. 26 mars, c'est la journée inventer votre propre fête. Ah, c'est pas pire. Enfin, notre journée pour inventer n'importe quoi qui est pas déjà fait dans ces palmarès-là, depuis qu'on fait ces palmarès-là. Mm-hmm. 27 mars, c'est la journée des titres de chansons country originaux. Ah, OK. Par exemple, la chanson « You're the reason our kids are ugly oh, ». C'est la raison pour laquelle nos enfants sont laids. « Dropkick me Jesus for goalposts of life ».« Did I shave my legs for this ». Et quelques autres chansons qu'on peut célébrer le 27 mars. « Did I shave my legs for this ». Je me suis vraiment rasé les jambes pour ça, mon ami. Ouais, c'est pas pire, ça. Le 31 mars, c'est la journée internationale de câliner un médiévaliste. Ah, bon, ben... Hein? Donne un peu d'amour aux historiens et aux dévoués du médiéval. À ceux qui rendent hommage à l'année longue au Moyen-Âge. Et ça pogne, hein, ça, quand même. Mais tout ça. Ce qui est... tu jouais-tu à ça, toi, plus jeune, Donjon Dragon? Non. Ça, là, il se faisait des épées en mousse, puis ouais. il jouait dans les parcs. Je suis jamais allé jusque-là, non. Non, moi non plus. Non, c'est ça. Mais bon, il y a des mariages comme ça en médiévaux. Ça, oui, oui, oui, ben oui. Tiens, tant qu'à être dans son foutu palmarès, allons-y avec une liste des 10 sortes de céréales les plus populaires selon les fans. Oh, d'accord. On va s'essayer. Donc, débat sur évidemment quelle céréale est la meilleure à la table du déjeuner. C'est un débat qui va durer toute la vie. Mais le 7 mars, aujourd'hui même, Tania. Ouh là là! Aujourd'hui même, c'est la journée nationale des céréales. Une chose, j'en ai mangé ce matin. Et voilà. On n'a pas parlé dans la liste parce que ça va être une fête dont vous allez entendre parler un peu dans les médias tantôt. Oui. On a essayé d'être plus alternatif. Mais étant donné que c'est aussi la fête populaire des céréales, on a fait un sondage public pour essayer de régler la question une fois pour toutes. Les gens, évidemment, vont aimer surtout les céréales sucrées, alors qu'il y a une minorité qui aime les céréales un petit peu meilleures pour la santé, selon ce sondage de plus de 1000 personnes. 9 positions sur 10 à partir de des collations sucrées, avec seulement une exception dans le top 10, c'est la 10e place qu'on verra tout à l'heure. Donc, allons-y. On y va de décroissant. Là. En décroissant, bien ben sûr, oui. pour se rendre jusqu'au sommet. En 10e place, c'est l'exception à la règle de tantôt dans les céréales sucrées, c'est le Rice Krispies. Ben oui, c'est vrai, c'est pas très très sucré. Hein, mais la plupart des gens qui mangent les Rice Krispies vont mettre une grosse tonne de sucre dedans. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune parce que c'était trop plate. Mais l'effet, il fond dans la bouche. Mais c'est bon, les Rice Krispies, oui. Même sans sucre. C'est sous-évalué. C'est vrai. Ouais. Ensuite, en 9e place, on a, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça ici encore, c'est les Captain Crunch Berries. Ah, je ne connaissais pas. Oh, ben, je connais pas ça. 8e place, les Fruity Pebbles. Ça non plus, je connais pas. C'est des petites bulles de couleur, un petit peu comme des Fruit Loops, mais en bulles. Ah, OK. En 7e, les Apple Jacks. Ça, on a déjà eu ça ici en édition spéciale, c'est des céréales aux pommes. En 6e place, le classique Captain Crunch. Oui. J'aime ça, j'en achète fréquemment, ça me défait le palais, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Oui, t'aimes ça J'adore même, aujourd'hui. Ah oui. En 5e place, encore un autre classique, les Fruit Loops. Ah ben oui, classique, là tu le dis. C'est vrai que c'est bon, on n'achète pas souvent. En tout cas, moi j'en achète rarement parce que je préfère d'autres sortes. Mais une fois de temps en temps, un bon classique, c'est le fun. C'est vrai. En 4e, tiens, parlant de classique. Un très grand classique, là. Les Cheerios miel et noix. Ça me parle. C'est tellement bon ça, génial. En 3e place, j'en ai dans mon garde-manger en ce moment. Des Lucky Charms. Ben oui. On ça aussi, c'est un classique. Ça fond, là, c'est tellement... Les guimauves sont délicieuses, le lait devient c'est sucré. Puis ils ont sorti aussi là, les sacs juste de guimauves, ça a l'air. Ah oui, c'est ça, on a parlé déjà dans une précédente chronique, en effet. En 2e place, c'est les Cinnamon Toast Crunch, les croques cannelle. Hey, j'ai jamais goûté à ça. Tu manques quelque chose. Tellement cannelisé, en plus, ils ont rajouté plus de saveur de cannelle que jamais auparavant. Pas vrai? Dans les plus récentes boîtes. Misère. Misère. Et en première place, c'est les Frosted Flakes. Ben oui. Je suis surpris de voir ça au sommet de la liste. C'est comme des cornflakes sucrés. Ça devient tout mou, puis je comprends pas. Je pensais que les Lucky Charms allaient être en première place comparé aux Frosted Flakes. Ouais, moi j'aurais mis les Frosted Flakes beaucoup plus box. C'est vrai. Ailleurs, en palmarès, dans les autres céréales qui sont pas nécessairement aussi sucrées, les Raisin Bran en numéro 14. Ouais. Les Cheerios au numéro 15. Cheerios, donc sans le miel et noix, là, vraiment juste classique. Les cornflakes sont au numéro 25. OK. Les Grape Nuts, je crois que c'est celles qui sont un petit peu comme de la bouffe à hamster, je sais pas trop quoi. Oui. Ouais. Ah oui, Grape Nuts bon, à 41. Sinon, les plus jeunes mettent les Cinnamon Toast Crunch, les croque cannelle au sommet. Mm-hmm. Alors que les fans de céréales dans le Midwest, le Nord-Est et ailleurs aux États-Unis mettent aussi croque cannelle au sommet. Les céréales les moins populaires au monde, selon plus de 88 000 votes, c'est Farina, ce genre de crème de blé qui existe depuis 1898. C'est la moins populaire céréale au monde. C'est pas une position enviable du tout. Ensuite, tiens, est-ce qu'on reste dans la nourriture? Je pense que oui, on devrait. Ben oui, pourquoi pas. On va se faire une autre liste tant qu'à être dans son foutu palmarès. T'arrives pour, t'arrives à l'épicerie pour t'acheter un pain. Et oui. Tu sors avec 100$ d'épicerie. Ça t'arrive, ça? Ouais, ça m'arrivait. Tu peux te dire que c'est tes parents qui font l'épicerie en ce moment. Ben, ça m'arrive plus, puis je suis revenue chez mes parents. C'est ça. Donc, il y a une certaine psychologie à l'épicerie, que ce soit la musique dans le magasin ou de la manipulation de vos sens pour encourager les dépenses, selon mentalfloss.com. Oui, c'est sûr. Donc, voici la liste des choses qu'on va faire en épicerie pour vous faire dépasser votre budget. Pour commencer, on a le Open the Wallet Pricing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est prix ouvrez le portefeuille. Donc, des fois, on va vous annoncer un super deal sur des gummy bears. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de gummy bears? Eh bien, c'est parce que les bas prix vont te mettre d'humeur à dépenser. Une technique qu'on utilise pour mettre des choses vraiment pas chères à l'avant du magasin. Ce qui fait que tu vas être tout excité, que tu vas vouloir dépenser moins parce que tu vas économiser de l'argent. Ben oui. C'est donc, que tu penses que tu économises, en fait. Exactement. En fait, ça peut être parce que tu économises pour vrai, mais vu que là, t'es d'esprit, dans le mood, l'humeur à dépenser, à économiser, tu vas vouloir dépenser ailleurs et peut-être trouver d'autres économies. Tu vas te faire dépenser plus. Parce que même si tu économises, tu dépenses plus. C'est celui, hein? Target utilise cette pratique-là avec des bargain bins. Au début du magasin. Voilà. Ensuite, on parle de faire un labyrinthe dans l'épicerie. Ah, OK. Les épiceries changent pas leur design au hasard. En fait, il y a toute une psychologie derrière ça. T'as peut-être déjà vu tes épiceries préférées changer de design. C'est parce qu'ils voulaient remettre ça, complètement changer la tête des gens pour qu'ils se perdent et qu'ils dépensent plus parce qu'ils passent par des places qu'ils n'auraient pas passées habituellement. Donc, le département laitier est toujours aussi loin de l'entrée que possible, s'assurant que les consommateurs, les gens qui arrivent pour acheter du lait ou des produits laitiers vont passer devant à tout ce qu'il y a dans le magasin. C'est la même chose que l'effet boomerang. Avec cette stratégie-là, les épiciers vont placer les articles populaires et les marques populaires dans le milieu des allées pour que les gens qui passent devant les voient à la hauteur de leurs yeux, peu importe dans quelle direction ils marchent. C'est donc facile de... C'est difficile donc d'entrer et de sortir du magasin avec juste ce que tu voulais. Voilà. On nous suggère que si vous allez chercher seulement du lait et des œufs, par exemple, de ne pas prendre un panier. Ah, à la place, transportez-les dans les mains. c'est vrai. Pas être tenté. Ça t'empêche d'amener trop de choses avec toi. Exact. Moi, je fais la même chose, mais avec le petit panier à la place de prendre un grand panier, ouais. Je prends le petit panier à poignée. Ça me force à prendre moins de choses. C'est une bonne idée. Ensuite, le numéro 3, c'est le charm pricing. Qu'est-ce que c'est? Un autre truc populaire dans les épiceries. Donc, quand on voit un produit à 29,99 ou 9,98, on va penser dans notre cerveau que la dizaine est plus basse. Nos cerveaux sont faits pour lire de gauche à droite, donc le premier chiffre va rester dans nos têtes et on va voir ça comme un 20$ et quelques au lieu d'un 30$ presque. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle en anglais le left digit effect. Donc, on ne regarde que le chiffre de gauche. Pour combattre ça, aussi qu'on voit un prix qui finit en 0,99 ou 0,98, on dit d'arrondir vers le haut et ensuite d'analyser si c'est un bon achat à faire. Je pense qu'on n'a pas besoin de se faire dire ça. Ensuite, on dit qu'on place dans les épiceries les articles les plus chers au niveau des yeux, en moyenne. Ah oui, OK. Donc, si vous voulez économiser de l'argent, vous devriez regarder vers le bas. Plusieurs épiceries vont placer leurs articles les plus chers à la hauteur des yeux et les offres, les rabais, les marges génériques sur la tablette du bas. Mm-hmm. Okay? Donc, si on marche dans l'allée des céréales, on va voir peut-être les Captain Crunch placés plus bas parce qu'elles sont moins chères à ce moment-là. Et on parce que ça, au niveau des yeux des enfants. C'est exactement ça. C'est vos enfants là-dedans. Donc, une recherche chez Cornell University nous amène un lien entre le contact visuel, en ce cas-ci celui des enfants, et des porte-parole des boîtes de céréales, donc le capital en tant que tel, et les sentiments positifs qu'on a envers ces marques. Pour combattre ça, on devrait regarder tout autour de soi, analyser ces options de haut en bas. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, la musique d'arrière-plan. Ah la ouais? musique, oui, ça sert à rien. On se dit que c'est juste pour remplir le fond, sinon ça serait que trop plate. Que c'est pas très bon aussi, bien souvent. C'est souvent pas très bon. Au moins, on joue plus les radios commerciales. Au moins, les épiceries ont créé leur propre radio. Mais ça reste un outil efficace pour dépenser plus. Une étude de 1982 par l'American Marketing Association nous apprend que les ventes ont augmenté et que les gens dépensaient plus de temps ou passaient plus de temps en magasin lorsque ça jouait de la musique. Aha. Et fait comme assez intéressant, je sais pas si tu te souviens, chez Target justement, on en parlait tantôt, il n'y avait pas de musique d'arrière-plan chez Target du tout. Ah, c'est vrai. C'était un vide, un néant complet et peut-être que ça n'a pas aidé justement à vendre des produits. Hein? Et le type de musique est important aussi. Le tempo de la musique instrumentale peut influencer le rythme du trafic dans le magasin et les ventes quotidiennes par client, au moins dans certaines situations. Dans cette étude, la moyenne des ventes a augmenté de 12 112,35 pour la musique à tempo rapide à 16 740,23 pour une musique à un tempo plus faible. Donc, c'est une augmentation en moyenne de 4 627,39 par jour ou 38,2% d'augmentation en volume de vente. Bien sûr, tout ça ne s'appliquait qu'à cette étude spécifique, mais quand même, on dit qu'il y a de la recherche qui nous dit que la musique peut influencer le comportement des magasineurs. Définitivement. Voilà, donc c'était la liste des trucs qu'on utilise en épicerie pour faire acheter plus, épicerie ou magasin en général. Voilà pour son foutu palmarès. On est déjà rendu à la prochaine pause de l'émission, oui. Au retour, ce sera Tania. Ouh! It's gonna entertain you. Merci. Si on montre la musique, ça vous donne envie de rester. Ah, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki, on se le dit 7 mars 2016, Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, maintenant, ben, Tania Baudin, Colin, ton nom, on le connaît. Oui. Ton contenu, on le connaît jamais à l'avance. Et jamais, jamais, jamais. Parce qu'il change tous les jours. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Salut Tania Baudin. Hey, bon matin. Ah, yeah. J'aime ça pour la chanson complète avec toi. Ben oui. C'est une fun, une vraie choriste. Merci beaucoup. Donc, Tania, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Écoute, on va faire le retour sur ma fin de semaine, sur des choses que j'ai découvertes. Ouais, je sais, ça n'a aucun bon sens. Non, mais sur des choses que j'ai découvertes et que je veux vous faire découvrir aussi. Mais tout d'abord, je veux faire un bref retour sur la victoire des Patriots en Ontario. Ils étaient du côté de Ottawa. Donc, on a gagné la série. On va aller en finale de la Coupe Queen et par la suite au championnat canadien. Donc, de ce côté-là, félicitations à l'équipe des Patriots de l'UQTR en hockey. C'est la deuxième année consécutive qu'on va pouvoir débattre ou tout simplement, comment dire... Affronter et aussi prouver nos couleurs au championnat canadien. Et on leur souhaite la meilleure des chances de ce côté-là. Absolument. Et voilà. Donc, la première chose que je voulais vous faire découvrir, Mathieu, je ne sais pas si tu as ouvert ton Facebook sur ton ordinateur ce matin, mais non. Je t'ai envoyé quelque chose que je veux qu'on fasse entendre aux gens un petit peu plus tard, peut-être tout de suite après ce segment-là ou à la fin de la chronique, on verra. Mais c'est la fameuse émission Pause Kawa. Qu'est-ce que c'est la Pause Kawa exactement? Bien, ça se passe sur Fishnet TV. C'est comme une web diffusion, en fait. C'est comme une web série, mais très, très, très courte. Des capsules. C'est ça. Ouais. C'est vraiment des capsules parce qu'on peut même pas dire que c'est aussi long qu'une web télé parce qu'en temps normal, ça serait au-dessus de, exemple, 3 minutes. Mais là, vraiment, c'est très, très court. C'est à titre humoristique, surtout. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de la fameuse émission « Like moi » ces derniers temps. Mais celle-là, c'est vraiment très différent. Ça parle de sujets très diversifiés. C'est avec Adib Al-Khalidi qu'on peut voir aussi dans « Like moi », avec Roman Fraissinet, qui est un humoriste français, Mehdi Bouseidane, qui est un ami à Adib, qu'on voit dans quelques comédie clubs à Canal D, si jamais vous écoutez les comédie clubs de Canal D. Ils jouent à Vrac TV, il me semble. Aussi, oui, je pense qu'il y a une émission à... Je vois pas du nom de l'émission, mais... Ben, je pense que ça s'appelle Mehdi. Ça se peut-tu? Je suis pas sûre, j'écoute pas Vrac TV, mais... Ça joue. Je pense que... Oui, je pense qu'il joue là-dedans. Et Anas Asuna, donc vous l'avez deviné, ce sont des Arabes et un Français. C'est très, très, très drôle. Ce sont des gars qui ont fait l'école de l'humour. Si jamais ça vous intéresse, il y a 8 capsules jusqu'à présent sur Fishnet TV. Si vous allez sur la page Facebook de Fishnet TV, vous allez tout trouver. Sinon, allez directement sur la page Facebook de Adib Al-Khalidi. Il les poste toutes. Parce que si vous cherchez Pause Kawa sur Facebook, vous n'allez pas trouver cette émission-là. Vous allez vraiment trouver un band. Qui n'est pas du tout la même chose. Donc, moi, j'ai fait cette erreur-là pensant que c'était l'émission. Mais non, il fallait que je tape Fishnet TV. Fishnet TV qui est comme un petit peu une chaîne web, finalement. Donc, il n'y a pas seulement cette émission-là dessus. Ils font aussi la promotion de Like Moi et d'autres capsules humoristiques. C'est vraiment une entièreté humoristique. Et c'est très, très, très drôle, justement, pour les sujets diversifiés. Et comment est-ce que c'est arrivé à venir au jour, à la lumière du jour, cette idée-là? C'est quoi Pause Kawa? Bien, vous allez deviner que Kawa, ça veut tout simplement dire café en arabe. Ah, bon. Donc, Pause Kawa, c'est Pause Café. Et d'où c'est venu, en fait, c'est que Adib Al-Khalidi disait que lui et ses amis se retrouvent très, très souvent dans des cafés à écrire des sketchs. Et ça amène plusieurs fois des choses assez cocasses, des histoires assez farfelues qui arrivent pas simplement dans les sketchs qu'ils écrivent, mais tout simplement au café pendant qu'ils sont là, des discussions qu'ils ont. Et c'est un peu ce que l'on voit dans les capsules. Comme je le disais, c'est très, très court, mais ça vaut tellement la peine parce qu'on rit tellement. Et de la façon que c'est fait, c'est pour ça que je te l'ai envoyé, Mathieu, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin non, de voir. Il faut savoir que la capsule, comme je le disais, elle est courte. Donc, et c'est 4 gars qui sont assis autour d'une table. Donc, automatiquement, vous n'êtes pas obligé de regarder. Vous faites tout simplement écouter. Et je pense que c'est pourquoi on va l'écouter immédiatement. Ça dure à peu près 2 minutes. Là. C'est pas très, très long. Ça a le temps d'une chanson. Et c'est très, très drôle. Pause Kawa tout de suite. Il faut pas être gentil, ok? Il faut être direct. T'envoies ça, mot pour mot. Quand est-ce qu'on baise? Bim! Mais je peux pas dire ça à quelqu'un que je connais pas, c'est impoli! Mais on s'en fout, putain! Il faut que tu montres que t'es un bonhomme. Il faut que tu lui montres que dans ta vie, il y a 2 options, ok? Soit c'est my way, or highway. Ah, toi pis ton anglais de Paris, le garde-le pour toi, ok? C'est dégueulasse. Hey, fuck you, ok? Fuck you. Fuck you. Non, fuck you. Fuck you. Les gars, les gars, les gars, les gars. On n'y va pas dans quand est-ce qu'on baise, ni quand est-ce qu'on baise. C'est qui ton père, Hochelaga? Mais non, c'est pas... Quand est-ce qu'on fait l'amour? Oh, oh. Mais t'es sérieux, toi, avec tes punchlines de crooner? Oh, évite tout ce qui est anglo-saxon! I do what I want! Fermez-la deux secondes, je veux juste écrire à la fille! When do we do the sex? Mais non, les gars, mais non! Il faut prendre son temps avec la demoiselle, brûle pas les étapes. Le temps, c'est de l'argent. Montre-lui que tu balles, Ricky Rosé. Toi, de toute façon, t'es le capitaine d'un bateau qui ne craint pas la tempête, car la tempête est sa destination même. C'est ça, l'amour, OK? Montre-lui que tu sais respecter la femme, la steve, la demoiselle. La gale boboline, ça fait danser les copines. La mujere, les yelettes. Vas-y doucement, ok? Puis pas la vulgarité tout de suite, genre ta chat, ta bouboune, ton poussi. Utilise une métaphore, genre ta fleur. Comme dans, je vais te cueillir ta fleur. Je vais engrainer tout ce qu'il y a autour de ton terrain. Je vais te pleuvoir dessus. Je vais te faire pousser jusqu'au ciel. Je vais te rabattre. Tu vas te gaver de ma sève. Je vais te polliniser. Je vais t'écarter tes pétales. Ça va se faire sentir jusque dans la section jardinage de Home Depot. Je vais te défoncer. C'est ton pistil. Flaubert, t'as couché avec combien de filles dans les 4 dernières années? Zero. J'ai un poème qui me vient à l'esprit. Mon amitié est un bol de toilette rempli de merde. Oh, that's so rude. That's so rude. Il vient d'où le Z? Il vient d'où? De what I want. Puis en passant, j'irai plus jamais au jardin botanique à cause de toi. Ah, wow. Si vous avez aimé, il faut 3, c'est 4, génial, partager, génial. partager, on veut des likes, on partager, veut des likes. Ça coûte pas cher, c'est partager, soyez pas cheap, partager, quand tu partages, après, il y a plein de Roman, gens qui... Roman, ta gueule. Je fais du rap, les gars. Mais on veut pas de rap. Mais c'est ça qui vaut aujourd'hui. Non, on s'en fout du rap. On s'en fout pas. Dégage. Attends, juste m'attends. C'est pas vous qui me dites dégage, c'est moi qui me dégage tout seul. Voilà, rien à foutre. Ouais, c'est ça. Va-t'en avec toi puis ton fucking rap, OK? Hein? J'ai pas entendu, fais attention. Ferme-la. Fais attention. OK, les boys. 3, 4. Partagez. Ah, c'est vrai parce que des capsules où certains de ces gars-là parlaient presque pas et là, dans ce moment, ils parlent plus. Donc, ils se partagent vraiment les rôles quand même. Ben, ça, c'était vraiment la première capsule qui est sortie avec Postkawa sur Fishnet TV. Il y en a 8 jusqu'à présent, comme je le disais. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets diversifiés. Le dernier, c'est vraiment un cours d'arabe que les gars donnent à leur ami français. Donc, vous allez voir vous-même la diversité culturelle de Montréal selon eux. Il y en a aussi ou que ça parle des Français, vu qu'un de leurs amis est français, donc on le plante sans bon sens. Ça mérite tellement ça, j'aime ça. Oui, là, ben ça oui. Me parle. Puis c'est vraiment des sujets d'actualité que l'on peut voir dans pas mal n'importe quoi de nos jours, que ce soit dans les émissions, que ce soit dans les blogs. C'est un peu les mêmes sujets qui vont toujours revenir dans nos âges. Il y a un sketch d'ailleurs qui est très, très drôle où que deux gars veulent se battre parce qu'il y en a un qui veut la sœur de l'autre. Et là, on va vraiment... c'est très drôle parce que ça finit en disant qu'il a déjà embrassé sa sœur de toute façon. Mais punch! Oui, c'est ça. Spoiler! C'est pas vraiment ça le punch, mais vous allez voir en tout cas. Et comme je le disais, si ça vous intéresse, c'est sur Fishnet TV que ça se passe, la page Facebook. Et si je ne m'abuse, il y a aussi la page YouTube Fishnet TV. Donc, allez faire un tour. Si ça vous intéresse, c'est très, très, très, très drôle avec des humoristes qu'on pourrait voir à l'écran plus souvent. Oui. On voit déjà Adib Al-Khalidi quand même assez souvent. Il reste la relève. Il reste de la relève, comme tu dis, ces temps-ci. Par contre, je sens que c'est le nouvel air là, des humoristes qui s'en viennent. Et ça les va être... prochains. C'est ça, c'est les prochains. La deuxième chose que j'ai découvert cette fin de semaine, c'est le blog La Fabrique Crépue. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un blog où on va parler d'un peu de n'importe quoi. Il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs articles de collaborateurs et collaboratrices différents. On réinvente pas vraiment l'idée du blog ici. Là. C'est encore un blog comme pas mal tous les autres blogs que je vous ai déjà fait découvrir. Ça doit être difficile de se démarquer en tant que blog sur des choses généralistes. C'est assez difficile, je te l'avoue, mais où est-ce qu'ils se distinguent un petit peu? C'est vraiment où ils sont allés chercher leurs collaborateurs. Parce qu'il faut savoir que les deux cofondatrices, Marilyn Kimberly et Émilie Morin, viennent de Montréal. Elles ont décidé de créer le blog ici à Montréal. Mais qu'est-ce qui les distingue vraiment? C'est qu'elles sont allées chercher des collaborateurs, des collaboratrices qui ne sont pas simplement de Montréal. Donc, on a des articles qui vont être à titre vraiment de Québec, parce qu'il va y avoir des collaboratrices qui vont être à Québec. Il y en a qui sont à Vancouver, il y en a qui sont en Gaspésie. Donc, on voit cette espèce de différence culturelle-là, tout dépendant de où viennent les collaborateurs et les collaboratrices. Et c'est vraiment ça qui donne le nouvel air au blog, je pense, c'est que chacune et chacun ont leur propre opinion de où ils vivent. Et ils nous racontent aussi dans leurs articles différentes choses par rapport à où ils sont. Donc, de ce côté-là, que de voir, exemple, des Québécois à Vancouver, bien, ils vont vraiment nous donner un compte-rendu de qu'est-ce que c'est que d'être un Québécois et vivre à Vancouver. J'ai un article que je veux vous parler vraiment qui m'a touchée, qui m'a surtout fait poser la question. Pourquoi on pose tout le temps cette question-là, surtout? C'est un article qui a été écrit par une collaboratrice du blog qui s'appelle Emily Hammond. Elle vit en Gaspésie. J'ai étudié avec elle à ProMédia et c'est comme ça que j'ai connu le blog, en fait. C'est qu'elle postait des articles à quelques reprises sur sa page Facebook. Puis là, j'ai fait « Oh, OK, Emily est rendue à écrire! » Donc, je suis allée voir cet article-là et j'ai beaucoup aimé, en fait, l'article s'appelle « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et j'ai adoré ça parce qu'elle disait justement dans l'article qu'on pose souvent la question dès le début qu'on connaît quelqu'un. Oui. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça. Et que qu'est-ce que tu fais dans la vie vient automatiquement définir la personne que tu es dans certains cas. Oui, et ça va faire que la conversation va continuer ou va arrêter. Exactement. Et bien souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie ne veut pas nécessairement dire que c'est ce que tu veux faire. Oui. Ou c'est là que tu pensais que tu allais être à ce jour. Donc, pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là et pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de savoir qu'est-ce que font les gens? Parce qu'automatiquement, on dirait que de nos jours, il faut avoir une passion, il faut être dirigé par quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup dans l'article d'Émilie, c'est qu'elle nous dit elle-même, « OK, mais quand j'étais jeune, là, moi, je tricotais, je faisais du ski, j'aimais lire. Aujourd'hui, je fais de la radio, ça me paye. Est-ce que je veux faire ça de ma vie? Est-ce que je suis plus une animatrice de radio qu'une skieuse parce que je gagne pas ma vie à faire du ski? Qu'est-ce qui fait que tu deviens quelque chose dans la vie? Et pourquoi cette question-là, elle est si importante aux yeux des gens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est vrai que bien souvent, ça veut nous définir. Et pourquoi on pose cette question-là? C'est tout simplement, à la base, parce qu'on veut en savoir plus sur l'autre personne. Ouais, c'est facile de demander ça. On veut en connaître, exactement. Mais c'est vrai que l'on juge très, très, très rapidement par rapport à ce que la personne va faire de ses journées et de sa vie et où est-ce qu'elle veut se rendre. C'est là qu'on va voir si les gens, bien souvent, ont un but et de la façon qu'ils vont prendre les choses en main pour y arriver. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord avec l'article d'Émilie. Si jamais vous voulez, je vais vous la poster la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez pouvoir le lire par vous-même et vous donner votre propre opinion de qu'est-ce que c'est que de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, selon Émilie Hamel. Excellent. La troisième chose que j'ai découvert cette fin de semaine, c'est la Maverick Collection. La Maverick Collection. Oui. Qu'est-ce que c'est la Maverick Collection? Là, je te regarde avec les points d'interrogation dans les yeux. T'es comme, ouais, Tania, c'est quoi? Pas ça? Sûr. La Maverick Collection. En fait, il faut savoir que ça a été créé par Jean-Nicolas Gaboury, un gars d'ici. Ah. Donc, c'est entièrement trifluvien, entièrement québécois. Et c'est une gamme de bijoux pour hommes, femmes et aussi d'accessoires. Donc, on y va vraiment à différents prix. On y va aussi à différents goûts. Et ce sont des matériaux qui sont très, très purs. Je dirais le bois, les pierres, tout ça. C'est vraiment... C'est confectionné à la main. C'est super beau. Si jamais ça vous intéresse, c'est pas très, très compliqué. Vous allez sur la page Facebook et ça s'écrit M-A-V-E-R-I-C-K Collection. Ça va vous amener par la suite au site web où vous pouvez vraiment voir toute la collection qui est là à ce jour. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont encore sortis parce qu'on est au tout début du lancement de la collection. On est au tout début du lancement du site Internet. Il y a déjà plusieurs produits qui sont sold out parce que ça a vraiment été très, très, très attendu. Les couleurs sont pures, là. On parle vraiment de simplicité, donc couleur bois, comme je le disais, des noirs, des blancs, couleur marbre et tout ça. Donc, on va pas vraiment chercher à aller donner un gros, gros, gros éclat. On va rester dans la simplicité. Et c'est vraiment le fun parce que, comme je le disais, c'est une gamme qui va vraiment s'agencer pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'il y a des produits vraiment distinctifs. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Et je mettrai encore une fois le lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis. T'es tellement dadon. Hey, ça n'a pas d'allure, hein? Mathieu, si je te dis Montréal à table, est-ce que tu sais ce que c'est? Quelque chose avec la bouffe. Clairement, c'est quelque chose avec la bouffe. Mais c'est oui. Tout ce que j'ai, ouais. C'est un festival qui se déroule à Montréal de octobre à novembre. Et ici même, à Trois-Rivières, la Société de développement commercial de Trois-Rivières a décidé de mettre sur pied et un petit peu décidé de se baser sur la même formule que Montréal à table pour créer le Trois-Rivières à table. Hey, c'est original, ça! Ben oui, ben hein? Oui. Mais c'est super le fun parce que là, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Une chance, c'est pas Montréal à table à Trois-Rivières. Mais non, franchement. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Mathieu. Quoi? Non, ça aurait été terrible. Donc, Trois-Rivières à table, en fait, ça a lieu du 16 au 26 mars prochain. C'est une durée de 10 jours. Et c'est vraiment 10 restaurants qui vont participer, qui offrent une table d'hôte, 3 services au coût de 29 $, en mettant vraiment les produits locaux de l'avant. Donc, c'est pas des produits qui vont avec la météo du moment, comme genre ça va être juste de la slush, différentes non, sortes de slush. Non, c'est ça, exactement. C'est pas, ça va pas avec la température, chance. Ça va vraiment avec les produits locaux. Ouais. Donc, on a les fameux restaurants que l'on connaît bien, la Maison de la Débauche par le Carlito, le Grill, Mondo, Aqua. Donc, ça se passe vraiment au centre-ville. Il y a le Pot aussi qui va participer parce que Dieu sait que les tartares du Pot semblerait que... Ouais. J'ai pas encore testé. J'ai toujours pas encore comment testé ça, le tartare du Pot. Voyons donc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'es lâche? Je paresseuse? Je pense que c'est ça. C'est ça. Ça doit être ça. Ouais. Dépêche! Mais je me suis dit que j'allais probablement en profiter durant Trois-Rivières à table pour aller essayer les tartares du Pot. Et faites vite parce qu'il faut réserver nos places au restaurant qu'on désire essayer. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez simplement sur le site Trois-Rivières à table. Et si je ne m'abuse, c'est 3 en chiffres. Rivière avec un S à table.ca. Je teste en ce moment même, c'est bien CA oh, wow. Et c'est pas .com. Allez faire vos réservations sur le site internet, mais aussi appelez le restaurant pour être certain que vous allez pouvoir avoir de la place. Donc, comme je le disais, il y a le Sushizo pour ceux qui sont amateurs de sushi. Le temps d'une pinte en fait partie, le Pot, Mondo, Rouge Vin, Aqua, Maison de la Débauche, le Grill, le Lupin et le Troquet du Delta. Donc, ce sont 10 restaurants qui sont vraiment au centre-ville, concentrés au centre-ville et qui désirent faire mettre de l'avant et rayonner, faire rayonner les produits locaux d'ici de Trois-Rivières un petit peu plus sur la map culinaire. C'est pas et pour les gens qui aiment beaucoup découvrir différents restaurants à Trois-Rivières, mais c'est ouvert à tous. C'est pas simplement pour les gens de Trois-Rivières. Donc, si jamais vous êtes de Québec et vous nous écoutez, allô. Ou de Montréal et vous nous écoutez, bien, sachez que vous pouvez tout simplement réserver durant la semaine du 16 au 26 mars, je le répète, et venir découvrir ce que nous vous offrons durant cette semaine-là. C'est quand même une bonne grosse période. 16 au 26, là, c'est 10 jours. Demi environ. Hein? Ouais, exactement. C'est un gros 10 jours de restauration. C'est quand même un 3 services pour 29 $. C'est super bon. C'est des restaurants qui, en temps normal, le plat principal va coûter dans ces alentours-là. Donc ouais. Là, on a 3 services pour le prix de simplement un plat principal. Ça vaut la peine. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont réserver ou il va y avoir beaucoup de gens qui vont essayer Trois-Rivières à table parce que je me souviens qu'à Montréal, c'est très, très gros. Ça devient de plus en plus gros. On y met des fondations aussi maintenant. Donc, de ce côté-là, j'espère que Trois-Rivières va pouvoir se mettre un petit peu plus sur la map culinaire ouais. Qu'elle l'est déjà, parce qu'il faut le dire, on a plusieurs restaurants au centre-ville. On est reconnu pour notre centre-ville rempli de restaurants. Donc, il n'est pas gros, mais il est bien rempli. C'est ça, il n'est pas gros, il est bien rempli, il est très bon. Voilà. Voilà. Bonne opportunité, ça. Oui. C'est déjà tout? Ben oui, voyons, non? Je me suis dit que de finir sur une lancée culinaire, ça finissait bien les choses. T'essaies de le laisser sur notre fin. C'est ça. C'est ce que t'essaies de faire. T'as tout compris. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. Une autre chronique demain, comme toujours. Ah, maintenant, ben tiens, au lieu de faire la fête dans les restaurants, on va juste faire la fête avec le groupe UC Party. Ben oui. Voici Ignorance. Sur ces fous. 89 FM. Ça paraîtra pas du tout. On va la changer pour la bonne. Tu sais déjà que ça joue pas souvent, UC Party. On va mettre la bonne. Ignorance, pour vrai. Ça, c'est fou. Birthday Party et la pièce Ignorance à Assemblage Requis. Au retour de la pause, Samuel Girard va être avec nous. Bam, rien à dire de plus. Bam, Samuel voilà. Girard. Badaboum, badabing. Tout est dit. Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Requis, c'est lundi 7 mars 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. On est à quelques secondes de la chronique de Samuel Girard qui s'en vient juste après cette chanson de Médora. On écoute une fille et son flanc gauche. Oh. Je sais pas si c'est par là qu'elle chante. Ah, oh, j'espère pas, ça doit faire mal. Dans le plus. Dans j'ai le tracé une ligne sur ton. Une fille et son flanc gauche par Melora. Encore une fois, des fois, c'est difficile de se rappeler lequel est le groupe. C'est vrai. Ça peut être le groupe, une fille et son flanc gauche, on sait pas. T'as raison. Ah non, c'est bon. Maintenant, tiens, celui qu'on sait, c'est qui son prénom et son nom de famille? Samuel Gérard. Tu diras pas que Gérard est son prénom, c'est sûr que non. Sinon, merde, t'es dans le champ. Donc, le voici avec sa chronique hebdomadaire. Samuel Girard et sa chronique sur l'actualité québécoise et canadienne. Bonjour à toi, Samuel. Ça va bien? T'avais pas ouvert mon micro? Non, ça disait pas. Ça va pas. Si tu le disais pas, ça aurait même pas paru. Et t'es pas radio. T'es tellement pas radio. Tu fais juste 12 heures par semaine? À peine. C'est à peine. T'es tellement pas radio. Mais non, mais pourtant, tu devrais savoir qu'avec moi, j'aime ça un peu tourner ça à la blague. À la blague. Ben oui. On aime ça. On est comme des vrais petits genres de taquins. C'est exactement. On est comme dans une cour de récré, nous trois ensemble. Ben oui, comme ça, on montre qu'on peut en rire au lieu de se sentir mal. C'est ça. Tout le monde croise Tania, hein, Tania? Ah, mais non, hein? Voyons. Hein? Pourquoi tu parles? Hein? Quoi, ben oui, voyons, clin d'œil. Donc, hey, Sam! Je me trouve drôle ce matin. T'es très drôle. Non, mais ça, j'ai manqué une semaine. Faut bien que je me rattrape un peu. Ah, c'est ça. C'est vrai. Semaine de relâche, ça s'est passé. Fait que il me fait plein de clin d'œil. Et là, t'arrives ici, puis c'est rempli de neige. T'es pogné derrière une charrue. C'est ça. C'est de toute pas beauté. La fille, non, c'est ça. Là, t'es à côté, déjà. Oh! Là, tu plantes. C'est une cour de récré. C'est pire que moi, ça encore. Ça, c'est vraiment pire que les clins d'œil. Je te jure, je vais te ramasser dans un coin noir puis je vais te battre. N'importe qui. C'est drôle, ça. Donc. Parlant d'être dans un coin noir puis de se faire battre, c'est mon premier sujet de ce matin. Bon, tu vois. C'est dark. Non, pas si pire que ça. Mais la partie de se faire battre, ça, par exemple, ça fonctionne. Okay. Pas dans le sens propre du terme, là. Je veux parler de l'importance de la troisième voie en politique. Donc, à place d'avoir une conversation en deux parties, dans une élection, on aurait trois parties. C'est ça. OK. OK. Donc, je vous pose la question. Qui est le troisième parti au Québec? NPD, c'est ça? Non? Au Québec, attends. Excuse-moi. Au Québec. Ouais. Au Québec. je sais pas. OK, les deux premiers partis, les deux principaux. Okay. Ben, Parti libéral, Parti québécois. C'est ça. Parfait. Qui est troisième? Il y en a dessus. Non, mais je trouve ça. Québec, c'est le pas. Quatrième, eux autres. Ah, ouais, pas vrai. Oui. J'aime ça parce que ça illustre vraiment mon point. Le orange, là. Non, ça, c'est au niveau canadien. Mais non, c'est au niveau canadien. C'est pas conservateur non plus parce que c'est tout petit au Québec. C'est ça? C'est ça. C'est cinquième, sixième place. Ça, c'est sixième, je crois. Il manque vraiment le troisième. Ouais. Option nationale, ça peut rapport au Canada, ça? Non, c'est au Québec. Au Québec, c'est au Québec, mais son cinquième. Cinquième place. Oh, ouais. C'est difficile. Parti vert. Je sais pas. Son septième. Ah, mon Dieu. Mais il n'y a pas de troisième place, donc ça fait ex-écho en quatrième et cinquième. J'espère que François Legault n'est pas à l'écoute. Ah, c'est. Ouais, c'est la CAQ. Ben oui. Je trouve ça illustre tellement bien mon point ce matin. Ouais. Et au Canada. Et notre manque de connaissances en politique aussi, hein? Non, ça, c'est pas si pire. Politique québécoise. Parce que vous m'avez nommé les deux principaux. OK. Ouais. Donc, ça, c'est quand même. Je trouve que c'est quand même l'essentiel. On est moins pire que bien d'autres. Mais c'est ça. Ouais. Parce que, comme je dis souvent, les gens disent c'est ça, il y en a qui manquent de culture. Je dis non, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à la politique. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça comme moi, je suis la politique, comme il y en a d'autres qui suivent la politique. Mais au moins, sachez les deux partis principaux qui s'affrontent et qui s'échangent le pouvoir. Voilà. OK. Ouais. Sauf qu'on remarque une tendance. Je vais prendre l'exemple, la politique américaine. Ouais. C'est pas mal républicain-démocrate. Pas mal ça. Okay, oui, gauche-droite. Okay, c'est pas mal ça. Ouais. Des fois, il y a quelqu'un indépendant qui va s'essayer, qui va faire une troisième voie, si on veut, mais c'est pas la même chose. Ça fait tout le temps que le parti pour lequel on devrait, qui devrait gagner perd, finalement. Ça peut diviser le vote. Ouais, ça divise. Ouais. OK. Bon. Et là, on se ramasse qu'au Québec, par contre, ben, vous n'avez nommé 7 partis. On est quand même bon, je trouve. On est pas ouais. C'est ça. Ça, il y en a d'autres, là. Okay? Mm-hmm. Mais mettons qu'on a nommé les principaux. Ouais. Et qu'est-ce que je remarque, c'est que les autres partis, donc je parle à l'exception du Parti libéral, le Parti québécois, ont de la misère à se faire une place dans le paysage politique. Okay? Et ça, je trouve ça dommage. Pas nécessairement parce que la CAQ rejoint mes idées. En fait, rejoignait mes idées. OK. OK. Mais... T'as changé ou ils ont changé? Ils ont changé. OK. C'est très, très important ah, de le dire. Non, ouais, mais, non, mais, non, mais tu vas voir un petit peu ce que je vais expliquer. C'est que la CAQ essaie de se faire une place dans le paysage politique. Donc, on a le Parti libéral qui est fédéraliste, mm-hmm. qui va être très axé sur un peu plus l'économie, ces choses-là. Et de l'autre côté, tu as le Parti québécois qui est souverainiste, beaucoup plus... beaucoup plus près de la classe moyenne, si je peux dire comme ça. Même encore là, ça peut être très, très, très relatif. Mais bon, il va y avoir une conscience sociale un peu plus grande que ce que le Parti libéral a tendance à nous montrer, même si, quand ils sont au pouvoir, ils font la même chose les deux. Ouais. OK? Donc, qu'est-ce qui les distingue vraiment? C'est souveraineté ou fédéralisme. Mmh. OK? Et là, soudainement, arrive, que ce soit l'ADQ dans le Témoin-Rio-Dumont ou la Coalition Avenir Québec maintenant avec François Legault, eux ne savent pas où se positionner. Sur l'axe souverainiste. Ouais. Et ça, ça cause problème, parce qu'on se rappellera que la dernière élection a été jouée beaucoup sur « Ah, ben si vous votez Parti québécois, ils vont vouloir faire un pays. Mm-hmm. » Mm-hmm. Ben, votez pour nous autres, on va faire un pays. C'était toujours ça, les super arguments. Et les gens ont souvent tendance à voter sur est-ce qu'ils veulent se séparer du Canada ou non. Alors qu'il y a tellement d'autres enjeux. Et là, t'as la CAQ qui arrive et qui propose plein de changements, plein de réformes, mais ils passent dans le beurre. Ils se positionnent pas sur la question souverainiste. Et encore pire que ça, François Legault étant un ancien péquiste, donc qui a déjà défendu la souveraineté, ben les gens, en plus, l'associent au Parti québécois. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est ça, là, tu dis ça actuellement, mais quand tu vas être au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous dit? Que tu voudras pas relancer le débat un moment donné. Ouais. OK? Et ça, ça lui nuit. Donc, ils ont essayé de se positionner et maintenant, ils sont nationalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on veut rapatrier les pouvoirs au Québec sans se séparer du reste du Canada. OK. OK? Donc, on laisse faire l'idée de devenir un pays, mais on essaie de négocier plus avec Ottawa pour avoir un plus grand pouvoir décisionnel sur des dossiers qui touchent actuellement le fédéral. OK? C'est ce que la CAQ propose. Donc, ils se sont positionnés. Mais là, après ça, ils continuent à se positionner sur plein d'autres points. OK? Donc là, on a eu le positionnement pour le système d'éducation. Là, ils parlaient de faire plein de coupures, d'abolir les commissions scolaires. Et finalement, ben, leur discours, il n'y a pas longtemps, c'est qu'il faut investir plus en éducation, l'avenir de nos jeunes. Puis, je suis comme, il est où votre discours qui était là au moment des élections? Mm-hmm. OK? Tout d'un coup, changement là-dessus. Je suis certain qu'ils veulent encore faire le ménage. Je l'entends. Des fois, ils le répètent de temps en temps. Quand je tombe sur une entrevue avec un député et tout. Mais ils s'éloignent un peu du message parce que des fois, ils ont l'impression qu'ils perdent des votes pour ça. Le projet Saint-Laurent de François Legault. OK? Il nous parlait beaucoup là, de ça. Maintenant, c'est « Sauvons nos fleurons mm-hmm. ». Mm-hmm. Oups, d'un coup, il a toujours fait ça. Mais on dirait que là, maintenant, il met juste l'emphase là-dessus au lieu de mettre l'emphase sur son plan de création d'emplois qu'il a toujours bien vanté au début. Donc là, c'est tout le temps, on essaye une chose, on essaye une autre chose, jusqu'à temps qu'on trouve qu'est-ce qui fait parler de nous dans les médias, qu'est-ce qui nous donne une tribune par rapport aux deux autres partis. Et on se rappellera qu'aux dernières élections, en plus, on a failli perdre la CAQ. Parce qu'à un certain moment donné, dans un sondage, il était quasi inexistant. Ah. Il s'était rapproché dangereusement de Québec solidaire et des intentions de vote. Alors qu'on sait que Québec solidaire, à l'extérieur de Montréal et du plateau, il se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Mm. OK? Donc ça, c'est très, très, très local. Encore là, Québec solidaire, tant mieux s'ils se font une place parce que ça rejoint certaines personnes. Le problème, c'est que j'ai vraiment peur qu'on revienne progressivement à deux partis. Donc là, on a plein de partis qui se sont fait une place dans le paysage politique, ils ont accumulé des votes, mais on dirait qu'ils ont tout plafonné depuis quelques élections. Et je trouve ça dommage. Donc, j'espère vraiment qu'on va continuer à laisser de la place à ces autres partis-là, parce que on s'en fout, là, qu'il y ait 8-9 partis, ça me dérange pas. Il y a des gens qui votent pour eux autres, donc ça rejoint certaines personnes. Ouais, mais justement, c'est ça, la faute est à qui si... Mais c'est ça, est-ce que c'est qu'on leur laisse pas de la place ou qu'ils savent pas comment la prendre? Ouais. Il y en a qui savent pas comment la prendre, et sinon, il y en a aussi qu'on leur laisse pas de place. Mm-hmm. C'est très, très, très difficile. Je vais prendre encore l'exemple de la CAQ, c'est le meilleur exemple que j'ai. Sur Facebook, je suis les pages de tous les partis politiques. OK? Pourquoi? Parce que si je veux de l'information, c'est la manière d'en avoir, parce que mm-hmm. jamais les médias traditionnels vont m'amener ces choses-là. Ouais. OK? Il y a certaines radios qui vont vouloir donner de la place à ces partis-là. On s'entend même ici, des fois, on va parler beaucoup de ce que le NPD, de ce que Québec solidaire, j'ai eu une approche facile avec la CAQ, le Parti conservateur du Québec aussi a une tribune à cette radio aussi. Donc, il y a des radios qui sont capables de donner des tribunes à ces gens-là. Mm-hmm. Par contre, la radio ne rejoint pas tout le monde. C'est ça. OK? On le sait que la télévision a tendance à rejoindre plus de monde. Mm-hmm. Mais essayer de trouver à la télévision un poste qui va vraiment mettre du temps et de l'emphase sur des politiques, des partis autres que les deux principaux. Mm-hmm. Regardez juste la page de Coalition Avenir Québec, le nombre de nouvelles qui peuvent sortir d'une journée. Puis après ça, mettez ça au bulletin de 18h, que ce soit Radio-Canada ou TVA. Puis essayez de retrouver ces choses-là qui ont été rapportées. Ouais. Bonne chance. Okay? C'est sûr. Donc, c'est un mélange des deux. La même chose se produit au fédéral. Donc, on sait que le troisième parti, c'est le NPD, vous l'avez nommé tantôt. Ouais. Donc, c'est beaucoup libéral ou conservateur, gauche-droite. OK? Même qu'encore là, c'est un peu nouveau que le Parti libéral soit vraiment plus à gauche que qu'est-ce qu'il l'est. Mais quand même, c'est toujours le fameux clash conservateur-libéral. Le NPD, qui a de la misère à se faire une place, ils ont réussi, grâce au personnage qui était Jack Layton, ça c'est quand même très très très exceptionnel, on s'entend, mais sinon, enlever cette élection-là où Jack Layton a vraiment surpris tout le monde, le NPD réussit jamais vraiment à se faire de place au fédéral. Et ça, encore une fois, c'est dommage, parce que le NPD rejoint quand même beaucoup de monde. Mais on remarque que ça suit une vague. Mm-hmm. À un moment donné, ils réussissent à ramasser plus de monde, puis après, ces personnes-là ne s'intéressent plus et ne votent plus pour ce parti-là. C'est ce qui s'est passé aux dernières élections. Ils ont été relégués très, très, très, très loin après avoir été l'opposition officielle. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un peu dommage dans un sens. Et j'essaie de regarder un petit peu au niveau de l'histoire, quand est-ce qu'un parti a réussi à monter. Okay? On se rappellera que le Parti québécois est parti de rien, ouais, à un moment donné. Et ils se sont fait un nom, ils ont réussi à faire élire des personnes très influentes, des gens qui savaient tenir un discours, rassembler les gens, puis tranquillement, ben, ils ont monté, puis ils se sont fait une place dans le paysage politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit ça? Non. Non, je trouve ça un peu dommage, mais ça a l'air que c'est ça la réalité. C'est comme ça. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, c'était, je voulais vous partager ça un petit peu, c'est ma crainte qu'on perde la troisième voie. J'ai vraiment peur comment on revienne au... comment on dit ça? Bipartisme? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que les autres partis... Puis là, je dis la troisième voie, mais vous pouvez inclure toutes les autres aussi, là. C'est troisième voie en descendant. Ouais. Donc, le reste de la liste. C'est le reste de la le liste. Le bas du palmarès. C'est juste parce que tu fais, il y a une troisième voie qui va être quand même forte sans vraiment se démarquer. Comparé aux 4 et plus, là. C'est exactement. Ouais. C'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus. Mais n'importe quel autre parti qui tente de se faire une place a sa place dans ce que je viens de dire, là. Ouais. Ça fait beaucoup de choses qui se ressemblent dans les mots que je dis, mais c'est pas grave. Ça se tient, c'est ça l'important. L'autre point que je voulais amener, je trouvais ça intéressant, j'ai trouvé une liste. Bon, ça y est, j'ai trouvé le moyen de fermer ma fenêtre. Bravo. C'était 10 équations qui ont marqué l'histoire. Ah, wow. C'est ça. Ce sera pas long, je vais essayer de la ressortir. J'espère que ça va marcher. Oui! Yeah. J'adore l'onglet annulation de fermeture d'onglet. Tellement. Ça fait des miracles. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 10 équations qui ont marqué l'histoire. Je vais juste vous dresser la liste très rapidement parce que c'est juste intriguant de connaître ça. Donc, il y a la loi de la gravité d'Isaac Newton. Ouais. Si on connaît tout ça, puis on le sait que quand la découverte de la fameuse pomme qui tombe, oui, ça a quand même révolutionné un peu l'histoire de la physique. On ne se rappelle pas nécessairement de l'équation en tant que telle. F est égal à G fois M1 fois M2 divisé par R carré. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Eh. Ça fait plaisir. Ben oui. Donc, ensuite, il y a la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Ouais. E égale MC carré. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc ça, je pense que tout le monde à peu près sait c'est quoi. Le fameux théorème de Pythagore. Ah, ouais. A carré plus B carré est égal à C carré. Ensuite, on a les équations de Maxwell. Donc ça, c'est tout ce qui touche le courant électrique, champ magnétique, l'énergie qui est dissipée. Donc ça, on s'entend, c'est la base pour tout ce qu'on a d'électronique, la lumière, ces choses-là aujourd'hui. Tout passe par ces équations-là. Donc ça a été toute qu'une révolution. Ensuite, on a la deuxième loi de la thermodynamique. Donc ça aussi, ça a quand même révolutionné la façon dont on traite aujourd'hui tout ce qui touche les fluides, les gaz, ces choses-là, tous les systèmes, réfrigération, climatisation, chauffage. Donc, puis là, vous pouvez faire une liste assez incroyable de qu'est-ce qui va avec ça. Les logarithmes. Ouais, ça, c'est le fameux bouton log, puis ouais, ln qu'on a sur nos calculatrices, pour juste savoir tout c'est quoi les équations qu'on a derrière de tout ça. Mais sachez que pour les modèles mathématiques, ça a été un miracle d'avoir trouvé ça. Et même dans mon cas, ça a été la conclusion de mon mémoire. Ah oui? J'ai réussi à faire une tendance logarithmique qui prouvait qu'est-ce que je voulais amener comme point. Wow. Donc, ça sauve des vies, les logs. Ensuite, on a calculus. Donc, ça, c'est les fameuses limites, les dérivées. Donc, tout ce qui touche les dérivés, ça a permis de bâtir plein de modèles mathématiques. Les fameuses limites, ça a permis d'interpréter des graphiques en faisant tendre vers une limite précise et de regarder le phénomène mathématique qui se produit là. Donc, ça a permis d'être appliqué aussi à plein de concepts dans la vraie vie. Donc, ça, ça a été très, très bien. Ensuite, on a l'équation de Schrödinger. Et là, je parle pas du chat dans la boîte. C'est ça, ouais, j'allais dire. C'est ça. Et là, je vais essayer de le dire comme du monde. Donc, c'est une équation qui décrit l'état quantique d'un système qui change avec le temps. OK? C'est très poussé comme notion, mais reste, ça l'a ouvert plein de portes. Et finalement... Non, il en reste deux, désolé. Je dirais pas finalement tout de suite. On a la théorie de l'information, donc le stockage de données. Donc, boucler une équation pour accumuler de l'information. Faire boule de neige. C'est ça. Donc, c'est tout simplement une équation qui boucle sur elle-même en faisant incrémenter une valeur. Mm. Donc, ça aussi, en programmation, disons que j'ai utilisé ça très, très, très souvent. Et finalement, on a la théorie du chaos. Ah! Donc, ça aussi, c'est plein de phénomènes qui font en sorte qu'il se passe quelque chose, mais on peut pas toujours bien illustrer c'est quoi, puis ça amène plein d'équations, plein de modèles pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Le meilleur exemple que je peux vous donner de tout ça, c'est vous allez l'avoir dans le premier film de Jurassic Park. Okay. On a, comment il s'appelle l'espèce de scientifique, c'est-tu Malcolm? Je pense que oui. Bon, mais lui, il trippe sur la théorie du chaos. Puis il fait un exemple, il place sa main, Il dépose une goutte d'eau sur sa main. Puis la goutte d'eau, elle tombe de sa main. Ouais. Il dit, je vais rester de la même manœuvre, je vais redéposer une goutte d'eau à la même place. Elle partira pas dans le même sens. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tests? Ben, il y a tellement de facteurs. Sa main tremble, peut-être que son poil n'est pas placé pareil. Sa main n'est peut-être pas à la même température. Donc, il y a plein de phénomènes qui se passent. Mais comment qu'on fait pour bien déterminer quel chemin la goutte d'eau va prendre? Ça, c'est la théorie du chaos. Ben, c'est très, très général, mais c'est un bel exemple qui illustrait ça. Et ça descend ça à notre niveau de compréhension. Oui. Ouais, ben, en tout cas, moi, c'était mon introduction à ça. Très bien. Donc, je trouve ça bien. Merci, Jurassic Park. Ouais. Quel excellent film. Et le dernier point que je veux vous amener, merci à mon père de m'avoir accroché au passage, me montrer un segment de documentaire sur le 11 septembre 2001. Okay. On sait que les attentats ont amené son lot de théories du complot. Ouais. Comme quoi que c'était les Américains qui s'étaient fait ça eux-mêmes, qu'il y avait des explosifs dans la bâtisse, qu'il y avait plein de monde qui était arrangé ensemble, qu'il y avait eu des ententes entre le gouvernement américain et le gouvernement de l'Arabie Saoudite, ces places-là. Bon, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et malheureusement, c'est difficile de trouver un documentaire qui ne parle pas de théorie du complot. Ouais. Et là, évidemment, mon père me montre un documentaire. Je suis très, très sceptique au début parce que je pense que c'était encore... c'était des ingénieurs qui parlaient. Donc, on essaie de donner de la crédibilité au documentaire. Et j'étais certain qu'il allait nous expliquer, d'une manière ou d'une autre, comment est-ce que ça n'avait pas été possible que la tour s'effondre juste comme ça par elle-même avec un avion qui entre dedans. Ouais. Et non, c'était pas ça. Donc, ils ont réussi à amener une théorie intéressante. Puis c'est juste ça en deux minutes que je vais vous dire parce que ça m'a fasciné un peu comme façon de faire. Donc, eux ont voulu prouver qu'il y avait quelque chose qui manquait au rapport de 10 000 pages qui avait été fait sur les attentats. Et ils ont réalisé à un moment donné qu'il y avait un élément majeur qui manquait. C'est quand ils ont fait les tests d'incendie. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu savoir si on met le feu d'un bureau, est-ce que ça peut se répandre et aller faire chauffer les poutres d'acier de manière à ce que ça cède et que le tout s'effondre comme un château de cartes. Ouais. Et ils en sont venus à la conclusion que non, c'est pas possible, ce qui a aidé les théories du complot. Mais ces ingénieurs-là, ils ont dit non, c'est parce qu'il doit manquer quelque chose qu'on sait pas. Et un moment donné, il y a quelqu'un qui a réalisé que dans le rapport, on parle nulle part des morceaux d'avion. Okay. Donc eux, quand ils ont fait les tests, ils ont juste mis le feu d'un bureau. Mais ils ont dit « Parfait, mais vous faites le test avec un avion en morceaux dans le bureau. » Ah ouais. Parce que ça amène une quantité assez incroyable d'aluminium et de plein d'autres matériaux aussi. Et effectivement, non. Ils n'ont pas fait ça. Donc, eux, ils ont créé un modèle pour voir à l'impact comment que l'avion se brisait et comment que les matériaux s'étaient répartis sur plusieurs étages. Et effectivement, ça fait un méchant gâchis. Ben là, on se le cachera pas. Après ça, ils ont dit « Parfait. » Et ils ont trouvé une vidéo où on voit une coulée de métal en fusion. Puis ils se sont dit, ouais, mais la température du kérosène qui chauffe peut pas faire chauffer l'acier. Donc, c'est pas un coulis d'acier liquide. Donc, c'est un coulis d'aluminium liquide. C'est les pièces d'avion qui étaient rendues en état fusion, en ébullition, et qui ont coulé du building. Mais là, ils se sont dit encore là, même si on met le feu, ça pogne à peu près 700 degrés et c'est 1000 pour bien faire fondre l'aluminium. Et on dit ça d'habitude, on fait ça dans un four pour maintenir la chaleur. Et là, il y a un ingénieur qui est arrivé puis il a dit « Ouais, mais ça a fait un four. » Quand l'avion est rentré, les étages se sont effondrés. Il y a eu plein de débris qui se sont tombés sur l'avion, sur les morceaux. Donc, ça a fait comme une bulle et la chaleur a pu augmenter. Ça a conservé la chaleur. Ça a conservé la chaleur. Ça a amené l'aluminium à l'état de fusion. Et c'est ce qu'on voit un peu. On voit qu'il y a de l'aluminium liquide qui tombe, disons, certains, quand on regarde comme faux les certains angles de vue qui ont été filmés. Et après ça, ils ont dit, quand on a de l'aluminium liquide, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été voir les rapports d'accidents qu'il y a eu dans les usines où ils utilisent l'aluminium à l'état liquide. Et ils ont remarqué que quand il y a un contact avec l'eau, eh ben, c'est comme du TNT, ça explose. Wow. Quand il y a un contact avec du cheap rock, ça explose. Mm. Quand il y a du contact avec de la mousse protectrice qui vient un peu empêcher le feu de s'attaquer à l'acier, ça explose. Donc, le système de gicleur, il y a de l'eau partout dans cet édifice-là. Fait en sorte le système qui devait protéger la tour de l'incendie aurait causé des explosions qui auraient fait céder les poutres principales, causant l'effondrement de la tour. Wow. Ils n'ont pas pu prouver leur point parce qu'ils n'ont pas eu accès aux débris. Le gouvernement a refusé de leur donner accès parce qu'ils ont dit on va aller chercher les morceaux restants de l'avion. Puis on va faire des tests, voir si c'est possible d'amener ces matériaux-là à la fusion aux températures hypothétiques qu'ils ont posées. Ouais. Ils n'ont pas eu accès. C'est donc, le documentaire se termine un peu... Ça aurait pu prouver, à l'ombre de tout doute, que la théorie du complot est fausse. Ben c'est ça. Pas. Je sais pas. Écoute, on s'entend, ils sont très, très, très protecteurs aux États-Unis. Là, on s'entend. Moi, je trouve ça plate un peu. Parce qu'il faut tellement faire de démarches pour avoir accès à de l'information, avoir accès à certaines choses. C'est encore pire qu'ici. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça dommage, mais reste que c'était la première fois qu'un documentaire me surprenait à ce point-là par rapport au 11 septembre et dans lequel on n'aborde aucunement la théorie du complot. Mmh. On prend juste telles quelles les images qu'on a, les modèles qui ont été faits. C'est juste des ingénieurs qui parlent, des chercheurs, des chimistes. Et on arrive à cette conclusion-là que c'est certainement l'aluminium en fusion qui a causé des mini-explosions par tous ces étages. Eh ben. As-tu envie de nous poster ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis, ce documentaire-là, si tu le trouves à quelque part? Le trouve, ça va me faire plaisir de t'envoyer le lien. Ce serait bien gentil, merci beaucoup. Samuel Girard. C'est tout. Plein de sujets en une chronique aussi intéressante que ça. C'est incroyable et on te remercie énormément. Ça fait plaisir. Samuel Girard, on t'écoute les jeudis à 9h30 à l'émission Génie en Liberté. Sans faute. Ça repasse les samedis matin à 10h et on se retrouve aussi au Mathieu Plante Show cette semaine. Cette semaine, oui. Entre 15h et 17h mercredi. Voilà. Merci, Sam. Au retour de la pause, il va nous rester Evelyne Dulac qui va être là pour la chronique du Club plein air QTR. Et je crois qu'on devrait avoir aussi du C'est un fait. C'est au retour de la pause à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Bonjour à Assemblage Requis, on est lundi 7 mars 2016 et Daniel Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, Evelyne Boulac qui est la chronique du club plein air QTR. Mais avant ça, on est dû pour une chanson. C'est un petit bout qu'on a écouté de musique. Et je vous ai choisi une pièce de Minotaur sur leur album Weird Waves. Voici Gold Rush Lady. Une pièce de Pandacide à Assemblage Requis. Est-ce que tu te rappelles du nom de la pièce, Tania? Aucunement. Ah, génial, moi non plus. Est-ce qu'on vérifie pour être sûr? On devrait vérifier pour être sûr. Sinon, on va avoir l'air de ne pas donner des informations pertinentes. Et donc, Pandacide et la pièce Voiture de course à Assemblage Requis. Ah, voilà, Voiture de course. J'aurais dû savoir. Ben, tu sais, c'était tellement évident. Pourtant, comment est-ce qu'on fait pour oublier des choses comme ça? Je sais pas. Justement, peut-être s'est-elle perdue en cours de route, mais la voilà enfin arrivée. Avec ses pieds de course, c'est oui. Evelyne Dulac et la chronique du club plein air UQT. Ah, Evelyne Dulac, club plein air UQTR, ça va bien? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Pour une autre chronique, ça fait un mois qu'on s'est pas parlé, je crois. Il me semble un mois. Ouais. Ça fait un bon bout. Mais t'es là aujourd'hui et tu veux nous parler de choses qui se passent dehors, en fait de survie. Oui. Comme aujourd'hui, mettons, ouais. Survivre à ça. Ouais. C'est pas la journée la plus facile au monde. Toi qui apparemment avais dit que le printemps était à nos portes. Ah oui, c'était. Je pensais que l'été s'en venait. Tu mens. Si belle fin de semaine. Ah oh, oui. Je pense qu'on y a tous cru, hein. Ouais. C'est Mère Nature qui nous a tous. Menti. Arrêtez de rêver, tout le monde. Arrêtez de rêver. Vous êtes tellement naïves, les filles. Ah, ça doit être vrai. Donc, la nature, c'est sûr d'humeur. Comment est-ce qu'on survit en plein air, dit? Oui, donc, selon le guide, je suis allée voir des petites recherches sur Internet, en plus de ce que je connaissais déjà sur la survie. J'ai au plein air. Donc, si jamais vous faites une promenade dans le bois, puis que vous décidez de partir sur un trek, puis que vous dites « Ah, je vais marcher vraiment toute la journée », puis c'est l'hiver, puis que finalement vous vous perdez, puis vous savez pas comment faire pour trouver comment se faire un bon abri, puis survivre dans le bois parce que vous savez quelque part que vous devrez passer la nuit là. Il y a plusieurs techniques de survie dépendamment de ce que vous avez amené avec vous. Donc moi je propose tout le temps aux gens, si tu pars sur un trek pendant la journée, puis que tu traînes ni un GPS, ni une boussole, ni une carte, ben, tu sais, il y a des bonnes chances. Ouais, c'est ça. Donc, il y a tout le temps un minimum à amener, là, par exemple, de la nourriture, donc des barres d'énergie, un petit couteau, une sciotte. Une sciotte. Ça doit être une mini-scie. Oui, c'est ça. Ah. Tu peux en avoir après les bons vieux couteaux suisses, là, une petite sciotte. Ah. J'étais sûr que c'était pour les besoins secondaires. Comme une sciotte? C'est ça. Non, c'est une sciotte. Puis, donc, une lampe frontale, un allume-feu, un briquet. Donc, j'ai dit tantôt, carte boussole ou GPS, avoir une bâche, son sel, ça peut aider. Ah, son sel, ah, ben... oui. Ben oui. Puis, couverture de survie, ça coûte pas cher puis ça prend vraiment pas de place dans un sac. Donc, c'est même ton sel, oui, pas d'amener une batterie de recharge aussi. Oui, exactement. Ça va dans le... Kit de luxe. Donc, si 2016. T'es vraiment un trekker aguerri puis que tu sais là, que tu t'en vas à l'aventure, il y a plus de trucs que tu peux amener dans ton pack-sac, soit un matelas de sol, au cas où, du linge de rechange, un kit de premiers soins. Puis dans ton kit de premiers soins, souvent, ben moi, ce que je fais, je mets de la nourriture dedans. Cordes, cutter, cartouches de carburant, un réchaud, parce que c'est pas tout le temps facile de faire un feu. Mm-hmm. Surtout l'hiver, c'est extrêmement difficile. J'ai essayé. C'est vraiment difficile, mon Dieu. tasse, plein d'allume-feu, plein de briquets, parce que t'en as jamais assez, puis des batteries pour ta oui. frontale, puis ton sel. C'est ça. Un Game Boy aussi. Ouais, un Game ben Boy. Oui. Ben oui, toi, Mathieu, t'es du genre à jouer au Game Boy dehors. Ah, oui. La nature, c'est tellement pas intéressant. Ah, on va sortir de notre Game Boy. donc, c'est ça. Donc, la première étape, quand tu te rends compte que t'es perdu, puis qu'il va falloir que tu passes la nuit dehors, c'est... Crier. Oui. Tu peux essayer, ouais. Pour extérioriser un peu tes émotions. Oui, essayer de t'orienter. Donc ça, si j'imagine que tu l'as fait avant ça. Essayer de t'orienter, essayer de trouver un endroit sûr ou te déplacer vers un endroit où tu le sais qu'il va y avoir de la civilisation. Puis si quand même, là, tu trouves que t'es en train de te perdre plus, si t'as le moindre doute, t'es peut-être mieux d'essayer de te faire un abri pour la nuit puis de regarder le lendemain matin parce que, anyway, dans la noirceur, ça sert à rien. Non, c'est ça. Tu vas plus te perdre qu'autre chose. Ah, même pas ton orienteur non plus, parce qu'il va juste te dire que t'as fait des mauvaises décisions de vie, <C'est ça. rire> que tu devrais être mécanicien. Ouais. Donc, il faut bouger tout le temps. en faisant son abri. Donc, il faut que tu t'organises pour faire un feu puis te faire un abri. Donc, l'abri, tu prends la neige comme isolant. Tu peux trouver un abri naturel, genre un conifère avec beaucoup de neige sur le dessus. Ça peut faire un bon abri pour le vent. Si tu veux faire ton feu, là, le meilleur truc pour faire un feu, si tu veux qu'il allume, là, puis que ça marche, puis qu'il dure longtemps, là, c'est tu fais un gros trou dans le sol, tu essaies. S'il y a beaucoup de neige, tu n'atteindras jamais le sol. Là. Mais okay. Si tu es capable d'atteindre le sol, avoir une petite pelle sur soi, j'avais oublié, une petite pelle sur soi, ça l'aide. Donc, tu essaies de pelleter le plus de neige possible pour faire quelque chose qui a de l'allure. Là, parce que la neige, si tu essaies de partir un feu sur de la neige, ça va juste tout fondre de la neige, puis ça va faire un gros trou d'eau. Puis ton feu, ben après comme 15 minutes, il va mourir. Donc, le but, c'est un excellent spa. Ouais, c'est ça. Ça reste pas chaud très longtemps, ouais, c'est par exemple. Ouais, ça. Prendre un spa dehors à Grosse-Sauvie, c'est pas le best. Tu fais un mur sur le côté de ton feu. Si t'es capable de faire un mur tout le tour pour pas que le vent l'éteigne, puis pour te faire un abri à toi aussi en même temps, si tu veux rester assis. Puis aussi, faut que tu prennes des branches. Le but, c'est d'isoler le sol, parce que la neige, c'est ça qui va te mettre en hypothermie le plus vite possible, parce que tout le froid vient du sol, puis ça va vraiment refroidir ton corps vraiment vite. Donc, si t'as pas de matelas de sol, même avec un matelas de sol, je le ferais, là, tu prends des branches, tu les mets sur le plancher, tu te fais un genre de matelas, tout pour pas que tu te sois couché sur la neige. Donc, une fois que ça, c'est fait, que t'as fait ton feu, que ton abri est fait, là, tu peux te préparer à dormir le plus possible avec des couvertures, ton linge, tu essaies de t'emmitoufler le plus possible. Un truc que je peux donner à quelqu'un qui part en trek pour avoir, genre, full plus de chances de survivre l'hiver, si t'as un chien, amène-le, à part si c'est un chihuahua ou un petit chien, tu ne l'amènes pas, il va mourir avant toi. Mais demande à quelqu'un s'il y a un chien, si toi, t'en as pas, t'amènes le chien de la personne. Souvent, un chien, ça a une excellente orientation où il va vraiment t'aider à te réchauffer. Si tu dors dans le froid, dans un abri, ta température corporelle n'est pas assez chaude, mais si un chien est couché à côté de toi, ça va être exponentiel. Tu ne pourras pas mourir de froid parce que les deux, vous allez vous entraîner. Ouais, la chaleur va être là, là. C'est ça. Puis en même temps, la personne à qui t'a passé son chien, il va te demander tu vas où, puis... Ouais, c'est ça. Si tu reviens pas avec son chien, crée-moi, il va aller te chercher. Là. Exactement. Fait que t'as un plan de survie. Il va comprendre si tu le manges, son chien, aussi. Non! Sinon, tu survives. C'est pas ça le but, non, là. Non, ça t'as pas le droit. Non. Ouais. On mange pas les chiens. Excuse-moi. C'est la chaleur, pas la nourriture. Ah, OK. Au pire, il mange du conifère. Est-ce que je peux traîner mes hot dogs dehors à la place? À la place de traîner un chien. Ah, tu sais. Moi avec ouais, ben c'est de la nourriture, fait que des saucisses, c'est sûr que c'est pas c'est pas de refus. Fait que c'est ça fait le tour. Hey, c'était rapide, c'était ouais. Cool, mais en même temps on a appris des choses. Wouhou. Amener son chien, c'est une bonne idée. On te retrouve dans deux semaines oui. Pour vrai là. Oui. Il en reste pas beaucoup des chroniques. Là. Oui. Là, aujourd'hui, on est le 7. On va se retrouver le 21, ensuite le 4 avril et ensuite le 18 avril. Donc il reste 3 chroniques. Mm. Ça passe vraiment vite. Ouais, okay. C'est ça. Exact. Evelyne Dulac, du Club plein air Écutère. On te retrouve, sinon, on retrouve le Club plein air au local, juste en avant de la cafétéria. Oui, exactement. Page Facebook. Mm-hmm. Est-ce que tu sais s'il y a des activités à venir? Pas vraiment en ce moment? Moi, je m'occupe des grands événements. Okay. On vient de passer le chalet, c'était en fin de semaine. C'était oui. Vraiment le fun. Bientôt, il va y avoir la sortie en luge. Ah. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ce mercredi même ou le mercredi d'après. Va falloir, mais allez voir sur la page Facebook. Dans le fond, c'est à la vallée du parc, un sentier de luge. C'est 2,5 km, je pense, de descente. Puis c'est malade, t'es dans une luge. Ça a vraiment trop fun. Tu le vends vraiment bien. C'est malade, oui! Dans une luge. Je sais pas faire du snow, mais j'ai regardé les vidéos et les photos des personnes qui faisaient ça avec une luge. J'étais genre, wouhou, je veux faire ça. C'est le 10, donc c'est directement là, jeudi, qui s'en vient. 10. Ah yes, merci. Alpine, vallée du parc. Ouais. C'est bien ça. Génial. Ouais. Les inscriptions, c'est au local devant la cafétéria, j'imagine? Oui, exactement. C'est pas ouvert tous les jours, le kiosque, faites attention. C'est pas ouvert le vendredi. Okay. C'est toujours de 11h30 à 2h. Puis, c'est ça. Super. La page Facebook, UQT'AIR. UQT'AIR. C'est simple à retenir quand même. Évelyne Dulac, à dans deux semaines, merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Nous, dans quelques instants, l'émission va se terminer. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Mm-hmm. Hein? Mais avant ça, on est dû pour une autre chanson. Ah, ben oui. Puis je pense que, côté chanson, quoi de mieux que Napaise? Napaise? Napaise, Napaise sur le piton, puis ça va partir. En théorie. Donc, voici l'extrait Roll It, parce qu'on va rouler ça comme un sac de couchage dans le... Hey, t'es plein de ressources ce matin. Je sais bien. Garde-moi, là. je patine. J'ai vu ça. Got to accept, and I'm no better for getting sick of getting no break. The feeling is something like disrespect, except it doesn't even know I exist. Why didn't he roll it? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he listen to our song? Why didn't he roll it? Now being a stranger in a strange, strange town, didn't you hope that everyone would come on and crowd around? Didn't you kind of hope and bow down? Didn't you feel a great guilt before this? And you know there's something wrong here, but you don't know what it is. Could it be me? Could it be me? Could it be me? La pièce Roll It par Nap Eyes à Assemblage Requis. Maintenant, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables. On a environ une dizaine de minutes pour faire cette chronique aujourd'hui, donc une rafale de faits. Commençons par des vêtements qui sont faits spécifiquement pour les gens qui sont en chaise roulante. C'est vraiment cool, honnêtement. Ça, vraiment. C'est l'idée du siècle. Absolument, avec juste un petit peu de tweaking. Si on veut, on a réussi à changer les vêtements pour qu'ils tombent mieux lorsque les gens sont en chaise roulante. Pas les gens, les vêtements tombaient mieux sur leur corps, on se comprend. Donc, c'est la designer Izzy Camilleri qui a créé une collection de vêtements faits exprès pour ne pas se ramasser en gros paquet en arrière, hein, tu sais, ou faire mal ou à craque de fesses. Hein. Donc, Fasco Exist a récemment montré la ligne de Camilleri. Elle s'appelle Izzy. C'est des pantalons, des chemises, des blouses, des vestons, des robes. Ça ressemble à tout ce qu'il y a de normal en magasin, mais avec quelques petites exceptions. Par exemple, le veston pour homme a un découpage à l'arrière qui permet au côté de tomber correctement sur le côté à la place de faire un gros mouton en arrière du dos. Des paires de pantalons et de shorts ont une taille un petit peu plus large pour que le dos ne s'ouvre pas lorsque tu es perché sur ta chaise, donc quand tu te lèves un petit peu plus, mm-hmm. pour pas qu'on voit tes craques de fesses. Et puis il y a d'autres trucs comme des zips faciles d'accès, des tailles électriques, élastiques, allô, et d'autres trucs qui font que c'est plus facile de s'habiller. Donc la mode adaptative, si on veut, qui est présentement qui crée le buzz. Donc Camilleri a démarré la compagnie Izzy en 2004. C'est en ligne depuis 2009. Tommy Hilfiger récemment s'est s'est accompagné de Runway of Dreams pour lancer la première collection de vêtements pour enfants adaptative. Et puis, il y a plein d'ajustabilité et d'options alternatives pour entrer et sortir de ces vêtements-là. Un petit peu comme la ligne de Camilleri. C'est en plus à la mode. Donc, allez voir la petite vidéo pour voir de quoi ça a l'air sur assemblagerequis.com. De l'extérieur, le vu de loin, ça a l'air normal. C'est quand on regarde le vêtement dans ses mains, pas sur le corps de la personne, que le vêtement a l'air un peu différent. Ensuite, pourquoi est-ce que tu tires ou que tu pousses quand tu devrais pousser ou tirer sur une poignée de porte, Tania? Hey, c'est vrai, pourtant c'est écrit, hein? C'est ça, c'est souvent écrit tirer dessus, mais bon, c'est pas votre faute apparemment. Donc, essayer de pousser une porte qui est supposée être tirée, ou le contraire, c'est des fois gênant, mais c'est pas votre faute, c'est une question de design selon le journaliste de Vox, Joe Posner. Posner déteste le fait que certaines portes dans sa bâtisse, dans son bâtiment, ont l'air de devoir être tirées alors qu'en fait il faut qu'elles soient poussées. Ça l'a mené en fait à enquêter sur ça. Il a eu reçu de l'aide de l'émission de radio d'architecture 99% Invisible qui a appris que c'est un design contre-intuitif, on appelle ça Norman Doors. C'est les portes qui ont tort et non pas toi, donc c'est pas ta faute. Et vous pouvez aller voir la vidéo pour plus d'informations là-dessus, mais en gros, c'est pas ta faute, c'est une question de design. La porte était mal faite. Aha! Ensuite, c'est un stagiaire qui a développé le solitaire de chez Microsoft. T'as déjà sûrement passé des heures et des heures à jouer au solitaire sur Windows. Eh bien, c'est un stagiaire que tu peux remercier. À l'été 1988, Wes Cherry était stagiaire chez Microsoft et a remarqué que les ordinateurs n'avaient pas de jeux de cartes virtuelles comme ceux de son Mac. Il voulait changer ça. Donc, sur son propre temps, Cherry a écrit du code pour créer Solitaire, qu'on appelle aussi Patience ou Klondike dans certaines parties du monde. Sa copine de l'époque, Leslie Cui, a participé, a travaillé sur le design des cartes. Elle a dit « J'ai travaillé sur les plus bizarres, celles avec des arcs-en-ciel, des châteaux hantés, des scènes de plage, des robots, etc. etc. » C'est la designer Susan Kerr, qui est très très connue dans le domaine du design informatique, qui est responsable pour le reste des cartes. Après avoir terminé le jeu, Cherry l'a laissé sur un serveur partagé pour que les autres puissent s'en servir. À ce moment-là, c'était un jeu. C'était une compagnie à l'intérieur de la compagnie qui s'appelait Bogus Software. Écrit-il sur Reddit. C'est un serveur où des gens avaient du plaisir à hacker Windows et à apprendre le langage de programmation. Ensuite, un gestionnaire de programme pour Windows 3.0 a éventuellement vu le jeu sur le serveur, a décidé de l'ajouter au client officiel de Windows. Le jeu est sorti en mai 1990, c'est devenu un classique instantané et la façon la plus populaire de passer le temps au bureau. Malheureusement, le développeur, qui est maintenant propriétaire d'un truc de cidre, qui fabrique des cidres sur Vachon Island dans l'état de Washington, n'a même pas reçu même pas 5 cents, même pas 10 cents. Il dit que ça le dérange pas. C'était clair depuis le départ qu'il n'allait pas le payer. Autre que lui fournir un IBM XT pour réparer des bugs, pour avoir réparé des bugs pendant son année scolaire. Il trouvait ça bien correct, c'était un stage. Et il est encore correct avec ça de nos jours. Cherry dit... Donc, vous savez que vous allez passer votre temps à procrastiner avec son programme. Il y a même inclus une boss key que les gens peuvent taper rapidement si le patron passe derrière toi. En fait, il y avait inclus ça dans le jeu. Mm-hmm. Si le patron passe derrière toi, tu faisais une combinaison de touches. Mais Microsoft l'a forcé à enlever cette option-là. Ah, pour vrai? Ouais. D'ailleurs, ça aurait pu permettre à Edward Greenwood de ne pas perdre son emploi en 2006 quand le maire de New York, Michael Bloomberg, a vu le programme ouvert sur son ordinateur à Greenwood. Il a vu le jeu solitaire ouvert et il l'a sacré dehors. Oh. Oui, Cherry a aussi utilisé le programme pour lui-même procrastiner, mais pas de la même façon que vous et moi. Il a écrit solitaire à la place d'étudier pour ses examens d'université, derniers examens de la fin de l'année scolaire. Sérieux, il pense qu'il a fait de l'argent avec solitaire, il peut pas avoir fait d'argent. Non, il a pas fait d'argent, c'est ça qu'on... non, c'est un stage, pas d'argent, zéro cent. C'est triste. Ouais. Mais probablement qu'aujourd'hui, il en fait. Probablement, avec son cidre. Un artiste britannique a eu les droits exclusifs du noir le plus noir du monde. Les artistes qui veulent se procurer le noir le plus noir du monde doivent tout le temps prendre autre chose parce que Quartz nous dit que un sculpteur britanno-indien ou indiano-britannique, ouais. Anish Kapoor, a les droits exclusifs d'utilisation du Vanta Black, qui est le matériau le plus noir jamais fabriqué. Une compagnie de nanotechnologie britannique, Surrey Nanosystems, a originellement développé Vanta Black avec des raisons militaires potentielles et des raisons astronomiques. Par contre, Kapoor créait des choses avec cette teinte depuis 2014, selon The Guardian. Il a fabriqué plusieurs nanotubes de carbone microscopiques qui pouvaient absorber 0,035% de la lumière visible. C'est plus noir que n'importe quoi d'autre d'imaginable, Kapoor a déjà dit donc cette phrase-là à BBC Radio 4. C'est tellement noir qu'on ne peut presque pas le voir. C'est en fait quasiment irréel. Les artistes partout dans le monde... Je trouve ça dommage que Kapoor ait les droits exclusifs à ce noir incroyable. Ils disent qu'ils devraient pouvoir tous l'utiliser. Ce n'est pas un droit qui devrait appartenir à une seule personne, a dit un peintre nommé Christian Furr au Daily Mail. Par contre, Kapoor n'est certainement pas le premier artiste à utiliser cette couleur-là. En 1960, l'artiste Yves Klein a enregistré une formule pour un bleu tellement profond, donc avec le gouvernement français, qu'il appelait IKB ou International Klein Blue. On dirait que Kapoor s'est inspiré de Klein et a nommé la couleur en hommage à lui-même. Il a récemment posté une photo complètement noire sur Instagram et il a substitué Kapoor Black, donc le noir Kapoor au lieu du Vanta Black. Il s'est approprié cette couleur-là. Incroyable. Et un grand château rebondissant, tu sais, un petit peu comme les châteaux pour enfants, les gros trucs gonflables. Même si t'es adulte, tu peux quand même t'en servir. C'est un nouveau château qui est ouvert à Londres. C'est le London Tower Bridge. Au London Tower Bridge qu'on vient d'ouvrir ça. Donc, c'est accessible seulement aux adultes qui veulent sortir leur enfant intérieur selon Metro. Ça s'appelle Bouncingham Palace. Un peu comme Buckingham, mais Bouncingham Palace. Et c'est équipé de plusieurs trucs spéciaux. Donc, le château est une promotion pour le lancement de Candy Crush Jelly Saga. Et sauter sur certains carrés va... faire sortir des odeurs un petit peu comme de la confiture à la fraise ou à la framboise, ainsi que des sons du jeu mobile. Pour garder l'esprit compétitif de Candy Crush, les visiteurs de ce Bouncy Castle vont pouvoir jouer pour une chance de gagner des prix pour le meilleur rebondissement. Oui. Ouais. Donc, un peu comme le gros trou de balles pour adultes. Tu sais, les balles dans lesquelles tu peux plonger. Là? Oui, ce fameux bac-là. Voilà. Donc, il y en a une version pour adultes ouverte à Washington DC depuis l'année passée. Bouncingham Palace suit la mode donc des jeux pour enfants qui sont maintenant pour adultes, comme les livres à colorier, on se rappelle. Et ça va seulement être ouvert pour un temps limité, Bouncingham Palace. Les enfants de cœur avaient jusqu'au 5 mars, il y a deux jours, pour se rendre au Tower Bridge et revivre leur enfance. On va s'en faire un petit groupe de derniers faits. Donc, l'auteur de Frankenstein, Mary Shelley, a gardé le cœur de son mari avec elle après son décès. Donc, elle l'a transporté avec lui pendant presque 30 ans jusqu'à sa mort en 1851. On a trouvé le cœur de son mari dans un tiroir de son bureau un an plus tard, enveloppé dans une copie du dernier poème, un des derniers poèmes de son mari. Arc? Ouais, en effet. C'est sérieux, ça? Ouais. À un certain moment, Albert Einstein s'est fait demander « Combien est-ce qu'il y a de pieds dans un mille? » Il a répondu en disant « Je sais pas, pourquoi est-ce que je devrais remplir mon cerveau de choses comme des faits comme ça, alors que je peux le trouver en deux minutes dans n'importe quel livre? » Tu vois, il gardait son cerveau pour les choses importantes. Pas des trucs qui sont facilement cherchables. Nikola Tesla. Nikola Tesla, évidemment, qui était un grand esprit de notre monde, donc un inventeur et scientifique, ingénieur mécanique et électrique, physicien futuriste, reconnu pour plein de choses, dont la découverte du courant alternatif. Bref, Nikola Tesla était capable de calculer du calculus dans sa tête sans avoir besoin d'aucun instrument, ce qui a fait que ses professeurs pensaient qu'il trichait. Ah, ben oui. Bien mais il y en a comme ça, là, que... C'est phénoménal. Ouais, quand t'as trop de talent. Misha Tate, qui se bat dans la UFC. Qui a gagné en fin de semaine. Donc, qui était en vacances avec son copain et ses parents à lui. Sa mère a souffert d'une attaque d'asthme en faisant de la plongée sous-marine. Elle s'est presque noyée. Incapable de performer la réanimation cardiaque à cause d'une gorge. Elle avait la gorge comme fermée, bref. Misha a réussi à la sauver en prenant des puffs de son médicament d'asthme, donc de son inhaler, là, tu sais, le truc en L qu'on prend. Ouais. Et en soufflant ça dans ses poumons. Ah, mon Dieu! Donc, elle prenait elle-même la pompe d'asthme et envoyait l'air dans sa belle-mère, en fond. C'est une bonne idée. Absolument. L'actrice Dolores Moran avait 15 ans quand elle a livré du café à un homme et ensuite elle ne l'a jamais revu ou même entendu parler de lui. Il ne l'a jamais mentionné à personne, mais lorsqu'il est mort 20 ans plus tard, il lui avait laissé $300,000 en argent à cette actrice Dolores Moran. T'as pas ouais. Elle est tombée en amour avec. Hein? Quand même. Voilà, je pense que ça va terminer là-dessus. On veut pas dépasser trop notre case horaire parce qu'il y a une émission qui s'en vient à 10h, c'est-à-dire C'est fou le sexe. Et bien sur assemblagerequis.com. Mais nous, c'est la fin d'Assemblage Requis pour cette édition du lundi 7 mars. Merci à Evelyne Duhac pour sa chronique du Club plein air Ucutaire. Merci à Samuel Girard, qu'on retrouve dans une semaine, en fait, la semaine prochaine, pour une autre chronique hebdomadaire. On le retrouve aussi à Génie en Liberté et au Mathieu Plante-Chaud. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, on sera mardi avec Jimmy Thibaudeau, qui va être avec nous à 8h pour sa chronique sur l'actualité internationale passée sous le radar. À 8h30, Gabriel Béhoud sera là pour la coulisse, dans les coulisses de la lutte. Pour la coulisse, la on l'appelle. Coulisse. Avec le résumé du match de ce soir, 20h à la Chasse Galerie. À 9h demain, Louis-Philippe Quentin de Journal Zone Campus sera là pour faire le tour du plus récent numéro. C'est l'émission d'Assemblage Requis demain entre 6h30 et 9h30. Restez à l'écoute sur nos ondes à 11h, le Dîner de con avec Dany Janvier. Ensuite à 13h, Les Délirantes, l'émission de variété. À 14h, c'est Rock Classique en rappel avec Alain Lefebvre. À 19h, Le Voyage Insolite avec Culture Rock, Cinéma et Littérature Fantastique. 20h, Rock de Neuron avec du rock progressif. Dans quelques instants, comme je l'ai dit, à 10h, ce sera C'est fou le sexe, émission sur la sexualité. Voilà! C'est tout. Cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balles de diffusion. Allez dehors, faites ce que vous avez à faire. Faites attention, par exemple, parce que c'est on voit pas grand-chose. Non, puis une fois rentré, ben, vous prenez un café. Oui! Voilà. À demain! Bon café! Bye!